بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 32 بعد 100، صوت تنظيم الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. Selon Jabir, radir anhu, Ibn Abdillah, il a dit qu'un homme est arrivé dans le masjid alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire le sermon de Jumu'ah. Et il a dit à cet homme: as-tu fait la salat, ô un tel, c'est-à-dire les deux raka'at de salutation du masjid avant de s'asseoir? Il lui a dit non. Il lui a dit: lève-toi et fais deux raka'at. Dans une version, et yani, en français, ça aura le même sens. Il dit salli à rakat, il a fait la salade de deux rakat. Ça revient au même sens. Taïb. Yakuru Fadilat Shia ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Le rapporteur, Rawi, c'est Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, dont on a déjà parlé auparavant. Yakuru Moudou al-Hadith, le sujet du Hadith. Bayen Hukmi Kalam al-Khatib, Yom al-Jumu'ati, wa salat al-Rakatayn, li dakhil al-Masjid, Hina al-Khutbah. Qui vient pour montrer le jugement, d'accord, qui se rapporte au fait que le khatib, celui qui sermonne, l'imam sur le minbar, qu'il parle à quelqu'un en pleine khutbah. Et également, cela se rapporte au jugement des deux raka'at que l'on fait en rentrant au masjid, au moment de la khutbah. Qu'en est-il ? Yaqulu fil sharh al-ijmali, explication globale du hadith. Yurbiru Jabiru ibn Abdillah radiallahu anhuma. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة ولم تكن خطبته تشغله عن مراقبتهم فيما يهمهم من الأمور. Donc Jabir informe que le Nabi صلى الله عليه وسلم était en train de faire la khutbah pour les gens le jour de Jumu'a, et que sa khutbah ne l'empêchait pas justement quand même d'observer ce qui était important pour les gens. فدخل سليك ابن عمر الغطفاني فجلس قبل أن يصلي ركعتين تحية المسجد إما لأنه لا يعلم عن حكمهما وإما لظني أن استماع الخطبة أهم. Donc après Salik ou Sulaik ibn Amr, c'est cet homme là qui est rentré, comme ça qu'il s'appelle, est rentré et s'est assis alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire la khutba avant de faire ses deux raka'at. Soit du fait qu'il ne connaissait pas le jugement de ces deux rakat, ou soit du fait qu'il pensait que le fait d'écouter la khutba était plus important. Car écouter la khutba, à la base, est une obligation. Comme cela va venir dans les hadiths qui suivent, Inch'Allah. فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ هَلْ صَلَّى لِأَنَّهُ يُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ صَلَّى فِي جِهَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَرَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وفي رواية أخرى للمسلم أنه أمره أن يتجاوز فيهما. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم l'a interrogé après qu'il ait vu s'asseoir. L'a interrogé car il est possible que cet homme-là ait fait deux rakats à l'endroit où le Nabi صلى الله عليه وسلم ne l'a pas vu. Donc avant de mettre un jugement hâtif, il lui a demandé: as-tu fait deux rakats? Et l'homme l'a informé que non. Alors le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a ordonné de se lever et de faire ses deux rakats. Et dans une version rapportée par Muslim, il lui a dit de faire vite. Ces deux rakats, de les faire vite. Naam. يقول من فوائد الحديث في موضوع الحديث جواز تكلم الخطيب يوم الجمعة مع غيره الحاجة أو المصلحة qu'il est permis au khatib, le khatib c'est l'imam qui fait la khutba, le sermonneur, le jour du Jumu'ah, qui parle à quelqu'un d'autre pour un besoin, aussi un intérêt, comme l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec cet homme. ثانيا مشروعية صلاة ركعتين لداخل المسجد حتى حال خطبة الجمعة qu'il est légiféré de faire ces deux rakat de salutation du masjid pour celui qui rentre, quand bien même cela se produit, cela se déroulerait en pleine khutbah du Jumu'ah. ثالثا مشروعيه تخفيفهما لمن دخل والامام يخطب يوم الجمعه ولا يزيد عليهما, et qu'il est légiféré justement de les faire légères, c'est-à-dire rapides, pour celui qui rentre alors que l'imam est en train de faire la khutbah et qu'il ne rajoute rien d'autre, deux rak'at seulement. رابعا أهمية تحية المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأمر بهما مع انشغال المصلي بهما عن سماع الخطبة. Cela montre l'importance de ces deux rak'at car le Nabi صلى الله عليه وسلم a interrompu sa khutba et a ordonné de les accomplir. Car cela m'amènerait à ce que celui qui fait ces deux rak'at ne puisse pas écouter la khutba du Jumu'ah. Donc cela montre quoi ? Que ces deux rak'at de Tahiyat al-Masjid sont obligatoires. Ce hadith est parmi les preuves que prennent les ulama pour dire que le fait de faire rak'atayn en rentrant au masjid pour celui qui a ses ablutions, qui est en état de purification, cela est obligatoire. Pourquoi ? Car à la base, écouter la khutba est obligatoire. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait devancer ces deux rak'at au fait d'écouter la khutba. Et également, on peut prendre comme favori de ce hadith que quelqu'un qui rentre, par exemple, ou plutôt cela vient dans un vers qui suit, Inch'Allah. La faïda, on se trouve dans un autre dars, Inch'Allah. Khamisan, anna aqal min rak'atayn la yakfi tahiyat al-masjid. Et que le fait de faire moins de deux rak'at, cela ne suffit pas pour que cette salat de salutation du masjid soit rendue valide. Sadisan, mashlu'iyat al-infisal an al-amr qabl inkarihi. Et qu'il est légiféré justement, afwan, mashlu'iyat al-istifsal an al-amr qabl inkarihi. Qu'il est légiféré justement de demander un éclaircissement avant de faire un blâme. De demander le pourquoi. Cela va faire partie de la hikmah. Et il se peut qu'une cause soit donnée et que la personne se rende compte qu'en fait que ce mal n'est pas si mal que ça. Wa kada. Naam, hadha alladhi khana al-yum min al-hadith. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.